Que reproches-tu donc au prince Michkine pour que l'idée seule de le marier à Aglaé te prive de ta langue, ma chère Élisabeth? Pour parler franchement, je n'en sais rien. Eh bien, je vais te le dire, moi. Le prince Michkine est un jeune homme fort convenable. Mais, car il y a un mais, c'est un grand malade. Et il se comporte d'une façon pour le moins bizarre. Ce n'est pas tout. Il a une liaison avec l'ancienne maîtresse de Monsieur Totski. Hélas, je vois que j'étais au courant. Que veux-tu de moi? Oh, rien. Je suis venue vous voir simplement pour me confier à vous. Autrement dit, tu désires que j'impose ce mariage à la société et ferme le bec à ceux qui le railleront. Mais je ne le ferai pas. Je t'ai recommandé Eugène Pavlovitch. Tu l'as stupidement éconduit. À présent, débrouille-toi. Marie ta fille à qui tu voudras. Au prince Michkine, ce faible d'esprit, si le cœur t'en dit. Je suis venue vers vous, comme vers une sérénée, comme... Oui, et moi je t'ai reçue comme une marâtre. Vous êtes si bonne, si compréhensive, si... Non, trêve de flagornerie, je t'en prie. Écoute plutôt ce que je vais te dire. Laisse les événements se dérouler d'une façon naturelle. Mais encore, je ne peux tout de même pas me croiser les bras. Mais c'est précisément ce que je te demande. Je m'occuperai de tout. Je vais interroger Aglaé. J'irai voir le prince Michkine. Je donnerai une soirée pour me rendre compte de ce que pense le monde, de ce mariage absurde. Bref, efface-toi et laisse-moi faire. Et maintenant, va-t'en, je dois encore m'habiller. Il est 6 heures. Va-t'en. Ah, vous voilà de retour, Elisabeth Prokofievna. Alors, quelle nouvelle apportez-vous? Comment la princesse Bielokonski vous a-t-elle reçue? Bien, j'espère. Cessez de me poser des questions, général, vous m'agacez. Ouf, cette vieille dégoûtante m'a reçue très très mal. Elle nous en veut d'avoir refusé à Eugène Pavlovitch, son protégé, la main d'Aglaé. Mais c'est affreux. Qu'allons-nous devenir? Faut absolument arranger ça. Je n'ai jamais vu un général aussi poire que vous, Ivan Petrovitch. Vous avez peur de cette vieille momie à présent? Mais je vous avoue que je la crains, à cause de son mauvais caractère et de sa langue, qui est terrible. Eh bien, rassurez-vous. Je l'ai manœuvrée de telle sorte qu'à la fin de notre entretien, elle m'a promis son concours. Elle donnera bientôt une soirée en l'honneur d'Aglaé, et elle invitera à cette soirée tout Saint-Pétersbourg. Ah, oh, vous êtes un grand stratège, Elisabeth Prokofievna. Si vous aviez pu faire une carrière militaire, vous seriez au moins maréchal aujourd'hui. Et moi, j'ai l'horreur de vous dire qu'en vieillissant, vous êtes chaque jour un peu plus sot, général. Oh, écoutez. Avez-vous interrogé Aglaé? Bon, j'ai essayé de le faire, mais elle m'a rionné. Pour toute réponse, elle m'a dit qu'elle avait envoyé au prince Michkine un hérisson. Un hérisson? Que peut bien signifier ce cadeau insolite? À mon avis... Serait-ce un signe convenu, une sorte de télégramme chiffré? Ah, décidément, il y a de quoi perdre la tête avec tous ces mystères. À mon avis, il n'y a rien de mystérieux dans l'envoi d'Aglaé. Un hérisson... C'est un hérisson, et rien de plus. Cependant, s'il signifie quelque chose, ce ne peut être que sympathie, désir d'effacer l'affront. Quel affront? Comment quel affront? Avez-vous oublié toutes les railleries dont a été l'objet le prince Michkine de la part d'Aglaé? Je ne les ai pas oubliées. Mais admettons qu'Aglaé, par cet envoi absurde, ait voulu se réconcilier avec le prince. Pourquoi avoir choisi ce hérisson? Ah, là, là, vous m'en demandez trop, ma chère amie. Mais je le répète... Un hérisson n'étant qu'un hérisson. Cela suffit. Vous ne sauriez évidemment éclaircir cette affaire ténébreuse, pas plus que vous ne sauriez me donner un conseil utile. Oh, le mieux, c'est encore d'interroger Aglaé elle-même. Mais avec toute l'autorité que nous devons avoir, nous, ses parents. J'ai dit. Faites donc appeler Aglaé ici, je vous en prie. Le général Yepanchine ne réussit à tirer d'Aglaé que des haussements d'épaule et des sourires moqueurs. Indignée, elle se retira chez elle, se mit au lit et n'en sortit qu'à l'heure du thé. Lorsque je vins chez les Yepanchin pour remercier Aglaé de son cadeau, tous les regards se fixèrent sur moi. Je me sentis bien intimidé et je n'osais pas poser la moindre question. Ce que je voulais savoir, c'était où se trouvait Aglaé. car j'avais beau, pareil, un somnambule traverser les pièces l'une après l'autre, je ne trouvais pas trace d'Aglaé. Le général, l'air soucieux, me suivait docilement dans mes déplacements. Les deux sœurs aînées d'Aglaé, assises dans le salon, ne se montraient pas moins taciturnes que le général. Quant à Elisabeth Prokofievna, leur mère, ne sachant comment m'aborder, elle finit par s'emporter à propos du train. Est-il admissible que ce misérable petit train fasse tant de bruit et passe plusieurs fois par jour sous nos fenêtres? Mais il relie Pavlask à Saint-Pétersbourg, Elisabeth Prokofievna. Il est donc normal qu'il fasse cette navette plusieurs fois par jour. En ce qui concerne le bruit qu'il émet, mon Dieu, mais c'est un bruit assez discret pour un convoi. Je peux même le qualifier d'inexistant. Oui, si je dis A, vous dites B, je le sais. Mais je ne m'adresse pas à vous. Ayez donc l'amabilité de vous taire. Très bien, je me tais. Ce train m'ébranle les nerfs. Pas jadis, les gens se déplaçaient en voiture à tête de chevaux. Ils ne s'en portaient pas moins bien. Et surtout, ils n'importunaient pas leur prochain. Prince, voyez-vous l'utilité de ces maudits convois? L'utilité, Elisabeth Prokofievna? Mais certainement, les trains favorisent les voyages et permettent l'écoulement plus rapide des marchandises entre les pays et dans l'intérieur du pays. Vraiment? Pour mon goût, je préfère voyager en calèche, car j'aime contempler les paysages qui s'offrent à mes yeux et je veux pouvoir m'arrêter à ma guise dans une petite ville ou un village qui me séduit, ce que ne permet pas le train. Voilà une remarque fort pertinente, prince, et qui révèle en vous un goût vif pour la nature et la vie champêtre. Prince, avez-vous reçu mon hérisson? Je l'ai reçu. Alors dites-nous ce que vous en pensez. C'est indispensable pour le repos de maman et de toute notre famille. Bon, écoute, Aglaé, cette façon d'interroger le prince me semble pour le moins... En effet, cela dépasse les bornes. Je ne vois pas en quoi, maman. Tout à l'heure, j'ai envoyé au prince un hérisson et je désire connaître son avis sur cet envoi, c'est tout. Alors, prince, répondez. C'est-à-dire que... Je crois comprendre, Aglaé Ivanovna, que vous voulez savoir comment je l'ai reçu. Ou peut-être quel sens j'ai donné à cet envoi du hérisson. Eh bien, je considère cet envoi comme... Vous n'avez pas dit grand-chose, prince. Tant pis. Ou tant mieux. Bon, je suis d'accord pour ne plus parler du hérisson, mais je suis décidée à en finir avec tous les quiproquos. Vous nous ferez donc plaisir en nous disant si oui ou non vous avez l'intention de demander ma main. Oh, Seigneur! Pas de mensonge, prince. Dites la vérité. On me persécute à cause de vous. On me fait subir d'étranges interrogatoires. Il doit y avoir quelque chose au fond de tout cela. Eh bien, parlez, prince. Je n'ai pas pensé me marier avec vous, Aglaé Ivanovna. Vraiment, non. Mais vous savez combien je vous aime. Quelle confiance j'ai en vous. Même à présent, après cet envoi du hérisson. Faites-moi grâce de vos explications embrouillées à souhait. Dites-moi simplement si oui ou non vous demandez ma main. Alors... Je la demande, Aglaé Ivanovna. Mais c'est pas ça, prince. Enfin, je veux dire, ce n'est pas ainsi qu'on fait une demande en mariage. Enfin, vous l'avez faite quand même. Il faudra maintenant examiner le problème à fond, n'est-ce pas, Elisabeth Prokofievna? J'y renonce. Eh bien, maman, laissez-moi parler, alors. À mon avis... C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Ginette Taffin, Aglaé, Yvette Morek, la princesse Bielokonski, avec Pierre Bertin, le général Yepanchin, et Gaby Morlaix, la générale Yepanchin. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.